Alice est revenue. Elle est revenue dans ma vie tout doucement, aussi déterminée qu'hésitante. Je l'ai revue et avec elle, tout est revenu, tous ces gros paquets d'émotions. Elle arrive toujours à me chambouler le cœur. Je ne sais toujours pas comment elle fait, mais elle le fait trop bien. Je crois que j'ai grandi. Je crois que je l'ai comprise. Je la laisse à sa vie et je prends délicieusement tous ces petits moments à nous. À notre belle amitié, aussi folle que particulière.